quand tu sens comment la mort t'aime. C'est le putain de thème, la flemme d'aller de l'avant, de se sentir arriver à son terme. La maladie qui nous coupe nos envies, nos rêves en perme. Loin d'être bercé dans l'illusion, le sang, le son, mon sang sur ce son. Avoir les grosses cernes, le travail qui nous rend esclaves. Finir par épuiser ou bien épargne sur le pavé. La drogue et les vices, complices de nos fuites. Voilà pourquoi je fais le beat, car faire rire est devenu plus dur que de faire pleurer. Trop sont apeurés, mes textes sortis de mon âme en ruine. Le système, une machination complexe qui vexe notre intelligence. T'y penses, mais rien ne pense. Les blessures de Babylone, à jamais gravées au fond de moi. Des fois, je rêve de tout péter, d'être le plus fou. Alors j'élabore des plans, mais j'y crois plus vraiment. L'humain est trop malsain, quelques billets, une paire de seins. Et la corruption sévit, et si tu cèdes pas, ils prendront ta vie ou celle de ta famille. Humilié par la société, quand j'arrive pas à m'assiéter, pas d'argent pour consommer. Alors ils préfèrent me laisser me consumer en enfer, me faire taire, me pousser à bout, que je me taille la jugulaire. Si tes yeux sont ouverts, alors tu comprends sévère que la répression est sévère, que si t'es pas dans les rangs, tu deviens une vermine, une sorte de mine à désamorcer. Maintenant tu sais pourquoi je fais ce rap gratuit, car je persévère à enculer la persécution, la censure contre leur action, mon axe de réflexion, être écouté par la masse, tout fracasse, te donner ma motivation, mes peines et mes joies, incontrôlable je suis, ma récompense sera ta compréhension, ton ovation, j'y suis, à t'avouer que je cherche à buter la connerie, tout petit déjà, ils nous gangrènent la tête de préceptes malhonnêtes, de trucs tout bêtes, mais c'est les préjugés qu'ils nous ont enseignés, contre lesquels on doit gagner, te laisse pas abattre, car c'est ce qu'ils veulent, qu'on gueule, mais sans rien faire de menaçant, alors me voilà avec mon esprit en démence, et compte pas sur moi, pour avoir de la clémence pour ces bâtards qui ont le pouvoir de faire la pluie et le beau temps ici-bas. Ici-bas, ils ont le pouvoir, hein. Ici-bas, ils ont le pouvoir de faire la pluie et le beau temps. Et nos vies entre les mains de quelques démons. Mon rêve d'amour et de paix, ridiculisé par ces enfoirés qui a intérêt à nous faire croire qu'il ne pourra jamais se réaliser. Hein, je te le demande, putain, mon univers devient un cauchemar. Car je suis sans cesse manipulé par les médias. Plus de vérité à croire où la réalité n'est qu'un rêve. La folie qui me guette, qui m'attend, qui me m'attend. Le sentiment d'évoluer dans un guet-apens. Seul contre tous, la frousse qui me colle au corps. Les jeunes qui crient encore si je hurle. La mort, et c'est la mort t'aime, le putain t'aime. Alors dis-moi, ici bas, si tu sais qui c'est qui t'aime. La mort t'aime, dis-moi ici bas, si tu sais qui c'est qui t'aime. La mort t'aime, elle t'aime. La mort t'aime. Ma vie n'est pas devenue ce que j'en rêvais tant gamin. Car je suis plus à deux doigts d'être à la rue que de baiser des putains dans une villa. Toujours prêt à faire des trucs malsains quand c'est une question de fin. C'est la fin de l'enfance, du rêve et de ses danses. La soucoupe dure à la vie pure, rude comme au début. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver la vérité en ce monde. Quand le cœur s'emballe, qu'on déballe ce qui nous pèse, quand on n'est pas à l'aise. Exprimer ce qui en nous se tapit au fond de notre âme. La peur de passer aux aveux, la crainte du drame. Construire son image, porter le masque afin d'éviter de se confronter directement à la masse, au regard de l'autre. Fuir les jugements, c'est plus rassurant d'être dans le rang que de s'assumer sa différence, se battre pour affirmer son identité. M'en arracher, m'y hacher, mes mots pas mâcher. La mort t'aime, dis-moi ici bas, si tu sais qui c'est qui t'aime.